les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 2006, le philosophe américain Stanley Cavell était l'invité d'honneur de la série de rencontres philosophiques Cité Philo, organisée à Lille. À l'occasion de son passage en France, il avait accordé à Philippe Petit une série d'entretiens pour À Voix Nue, retraçant en 5 émissions quelques moments de son parcours personnel et intellectuel. Son autobiographie, A Pitch of Philosophy, un ton pour la philosophie, était parue en France quelques années plus tôt, en 2003. Dans les deux premiers volets de ses émissions, il revenait sur l'importance qu'a joué pour lui la musique, domaine auquel il se destinait à l'origine, sur les raisons pour lesquelles il s'était choisi le nom de Cavell, qui n'était pas celui de ses parents, et sur la rencontre fondamentale avec deux penseurs américains qu'il fut l'un des premiers à ériger au rang de philosophe, Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau. La réalisation, assurée par Laetitia Coya, permettait que l'on entende clairement, sous les mots de la traductrice, ceux de Cavell lui-même. Prêtez-y attention, leur choix est précis et toujours porteur de sens. À Voix Nue, Stanley Cavell au micro de Philippe Petit, première diffusion sur France Culture les 21 et 22 janvier 2008. À Voix Nue. Cette semaine, Stanley Cavell s'entretient avec Philippe Petit. L'auteur de « À la recherche du bonheur », son essai sur la comédie hollywoodienne des années 40, publié en 1993 aux éditions de l'Étoile, est un Américain qui pense avec et contre l'Amérique. Cavell est l'homme des recommencements, le chantre de la vie ordinaire et du langage commun. Il est à la fois un philosophe de la connaissance, de l'esprit, de la politique, de la morale et un penseur du cinéma. Il est né en 1926 à Atlanta. Après avoir étudié et enseigné à Harvard et à Berkeley, il est devenu professeur à Harvard University. Sa philosophie est enracinée dans l'œuvre de Ludwig Wittgenstein. Elle porte notamment l'empreinte des Investigations philosophiques publiées à titre posthume en 1953. Austin, le philosophe du langage ordinaire, fut également un de ses inspirateurs, mais il est surtout le disciple inventif de Ralph Waldo Emerson et de Henry David Thoreau, l'auteur de Walden ou La vie dans les bois. Dans le sillage du premier, il pourrait dire « Je ne demande pas le grand, le lointain, le romantique, ce qu'on fait en Italie et en Arabie, j'embrasse le commun ». Stanley Cavell est en effet le philosophe de la vie ordinaire. Il embrasse l'expérience commune. La recherche d'une tonalité particulière fait d'ailleurs partie de son programme de vie au même titre que son parcours intellectuel. Stanley Cavell est un philosophe musicien. Je ne crois pas me tromper en disant cela, Stanley Cavell. Dans votre autobiographie, elle commence par une évocation de la musique, l'oreille de votre mère, et elle se termine par l'évocation de l'opéra. La musique a joué un rôle central dans votre parcours. That's a very good beginning. To begin with music. C'est un très bon début de commencer par la musique. And you've picked already the sort of fundamental notes in my life. Et vous avez d'ores et déjà mis en exergue les notes importantes de ma vie, la musique, l'oreille, ma mère. Je suis né dans une famille musicale, musicienne, et une famille d'immigrés. And those things both affected et ce sont là deux facteurs qui ont une incidence sur ma vie tout entière. To hear music, tout d'abord, and to be precise about music, d'entendre de la musique et de connaître précisément la musique, de reconnaître le fait que la musique est à la fois une affaire très privée, mais également quelque chose de public. Cela m'a aidé à me faire une image, une projection de la manière dont on doit se comporter dans le monde. Il existe un monde privé, un monde public, et les deux doivent continuellement être en communication, doivent continuellement dialoguer. Ça, je l'ai compris avant même de savoir marcher. Dans cette famille, les deux meilleurs musiciens avaient un ton parfait. Le concept fait sens, perfect pitch. Une oreille absolue. And I knew I didn't have it. Les deux meilleurs musiciens de la famille possédaient l'oreille absolue, et moi, j'étais très conscient de ne pas la posséder. Et je me suis par conséquent posé la question de ce que j'héritais, puisque je recevais en héritage cet amour de la musique, mais non pas l'oreille absolue. Quand je réfléchis à ma vie, de manière rétrospective, je ne sais pas quand j'ai commencé à y penser, mais il me semble que je le sais depuis toujours. Comment puis-je aimer, apprécier d'être au monde tout en ayant l'oreille absolue pour le monde? Et j'ai mis très longtemps à me rendre compte que ce n'était pas dans la musique que j'allais trouver cet équilibre. J'ai joué de plusieurs instruments. Pour ma mère, j'ai joué du piano, très sérieusement. Pour mes amis et pour gagner ma vie, j'ai joué du saxophone, de la clarinette, dans un groupe de jazz. Mais le fait d'être sur scène, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment plu. Quand je me suis rendu à Berkeley pour aller à l'université, où il y a un très bon département en musicologie, Ernest Bloch y travaillait. Il venait tous les étés donner un cours qui me chamboulait totalement, qui me bouleversait. Totalement. And also Roger Sessions, I have no, is a very great American et composer. Roger Sessions, qui est un très grand compositeur américain, qui est décédé il y a quelques années. Je ne sais pas si sa musique est bien connue ici, mais c'était très très sérieux comme exercice et profondément beau. And the seriousness and the beauty, the combination, et even though le sérieux et à la fois la beauté, it didn't widely communicate cette itself. It took long combinaison, time, long time c'est quelque chose qui n'était pas immédiat. Il a fallu un certain temps avant que sa musique ne me devienne familière, mais j'ai vu ça comme une espèce d'idéal. Donc quand on conjugue un amour du monde, l'oreille absolue pour le monde et une communication qui est à la fois profondément privée et en même temps publique, et vous avez ce que j'attends de la vie, ce que je veux de la vie. Et la première fois que j'ai ressenti cela, ce n'était pas dans le domaine de la musique, et ça m'a fait peur que ce ne soit pas dans le domaine de la musique parce que je ne savais pas ce que cela pouvait être. Mais tous mes professeurs, même les professeurs de musique qui m'apportaient beaucoup, comme Session, comme Bloch, avaient dans leur esprit quelque chose qui allait au-delà de la musique et je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était parce qu'ils étaient des artistes, et évidemment, ils étaient des artistes. Mais des artistes, quand ils lisaient une citation, la manière de citer, la manière de s'exprimer, c'est quelque chose qui est devenu un modèle, un exemple de comment réfléchir pour moi. Et c'est dans ce domaine, c'est cet aspect de la musique qui m'a inspiré. Stanley Cavell, pouvez-vous revenir un peu sur cet héritage de Ernst Bloch? First of all, he had he inspired complete conviction in me. Tout d'abord, Ernst Bloch m'a inspiré une conviction profonde par sa musique, par le biais de sa musique. Je n'ai jamais eu aucun doute. C'était là la vraie musique. Il n'est peut-être pas le meilleur compositeur du XXe siècle, mais sa musique était authentique, elle était réelle, elle venait de quelque part et elle allait quelque part. J'étais ému et j'ai dès le début cru en son caractère sérieux absolu, le sérieux et la beauté. C'est cela qu'il m'a offert. Mais comment y parvenir? C'est toute la question. Cette notion de l'héritage dont vous parlez joue un rôle important dans ma relation à Ernst Bloch. Nous étions quelques-uns dans ce cours, nous n'étions pas très nombreux, essentiellement des compositeurs, mais je sentais dans ce public une audience absolue de tout ce qui se passait. What was happening Et ce qui se passait, je n'en suis toujours pas très sûr au jour d'aujourd'hui. Si vous me demandez, qu'enseignait-il, que disait-il ? Pour moi, l'un des facteurs importants, c'est qu'il arrivait parfois un matin avec un journal, avec un livre qu'il était en train de lire. Il voyait de temps en temps, il venait nous raconter une anecdote qu'il avait observée dans la rue. Quelque chose lui faisait penser à un morceau de Bach et il l'évoquait. Mais son envie de toujours rechercher la perfection. La perfection, c'est de savoir qu'il y a toujours quelque chose au-delà, qu'on n'en a jamais fini. Ça, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant, si on y croit. C'est quelque chose qui est une source d'inspiration, par exemple. Il lisait Stanislavski, il lisait Confucius. J'ai oublié les auteurs, il lisait des livres de philosophie, finalement, peu importe. Mais tout nourrissait sa réflexion. Et cela m'a donné l'idée qu'il ne faut pas perdre le monde, que le monde défile devant nos yeux, et que si l'on est perdu, c'est parce que je suis perdu, le monde n'est pas perdu. Et si je ne peux pas le trouver, c'est parce que je ne suis pas suffisamment attentif. Je vais vous raconter l'un des exercices qu'il nous faisait faire. Il se rendait au piano et il jouait une chorale de Bach très simple, harmonie en quatre parties, très simple. C'est ce qu'on commence, c'est le commencement de la musique, tout le monde sait de quoi je parle. Et ensuite il disait, réécoutez et rejouez le même morceau. He would change one note by en changeant one half step une note d'un demi-ton somewhere. Quelque part dans la partition. And he would say, "Where is, what's the matter with this?" Et il disait, qu'est-ce qui se passe? And he would wait et il attendait. Until somebody could say, il attendait que quelqu'un trouve. Et il disait, est-ce que vous entendez la différence? La manière dont il changeait cette note était tout à fait harmonieuse. C'est quelque chose qui passait très bien. Tout professeur de musique aurait dit, eh bien, vous avez 10 sur 10, c'est parfait. Et il disait, eh bien, ça passe, c'est acceptable, c'est correct, mais l'autre note est la note parfaite. This also became a model for me. Et cela m'a servi de modèle. But you have to trust a teacher of this kind. Mais il faut faire confiance à un professeur de cette sorte. Quand on a un professeur tel quel, est-ce qu'il prétend, est-ce qu'il fait semblant, Mais pour moi, il a été très clair qu'il était un maître dès le début. Et quand il m'a dit j'ai entendu quelque chose, je l'ai entendu également et j'ai été convaincu. Stanley Cavell, je voudrais revenir sur cette phrase qui m'a intrigué, qui est au début du récit de ces cours que vous venez à nouveau d'évoquer. Vous dites, je finirai par une expérience qui m'a fourni l'équivalent d'une oreille absolue, d'une preuve du monde que je pense à la limite du monde avec lequel j'avais conversé. C'est l'expression « preuve du monde » qui me fait réagir. Parce qu'il me semble que, à vous lire, que ce soit à partir de la musique ou à partir du cinéma, vous avez eu de cesse de rechercher une preuve du monde. Et je voudrais mettre en parallèle à nouveau cette quête de la preuve. Lorsque vous évoquez la question de l'héritage, vous avez ce mot qui m'a frappé également. Je ne peux pas croire qu'un père échoue à reconnaître la voix de son fils, quelles que soient les modulations de ses accents. Eh bien, ce parallèle entre le maître et le père, au regard de ce que je viens de dire sur la preuve du monde, on a là quelques pistes de vos premiers émois philosophiques. I think you're right. I think the fact is, je pense que vous avez raison. You don't know how to. What can you teach? Que peut-on enseigner? You go to a classroom. You have wonderful students. Vous vous rendez dans une classe. Vous avez des étudiants formidables qui ont envie d'étudier la philosophie. Some seem to be born with the idea Certains that the world être nés asks something avec of l'idée us, que le monde attend quelque chose de nous. In order for the world to be real to us, que we pour have que to le monde soit réel à we mes yeux, il faut une contribution, il faut que nous nous approchions de ce monde, il faut que nous l'acceptions. There are other people Il y a d'autres personnes called this wonder, que, vous savez, Aristote parle de l'étonnement, du fait d'être impressionné, de se poser constamment la question de comment est-ce possible. Et on se rend compte this de deux choses. Absolutely human fact, c'est un facteur absolument humain que cette capacité you know à s'étonner. That it becomes crushed. Et c'est également quelque chose qui est réduit à néant au fur et à mesure que la vie se passe. Il faut vivre, il faut gagner sa vie, il faut satisfaire les besoins d'autres gens et on l'oublie. Mais la philosophie, à mes yeux, et pour mes professeurs, c'est cela qu'ils m'ont enseigné, la philosophie a recréé cette signification. Le fait de, pour vivre cette vie, de vivre dans cette vie, c'est de faire la preuve du monde. Et on peut appeler cela hériter du monde. Je n'ai pas créé le monde, Dieu a créé le monde. Mais pour une raison, pour moi, pour l'un d'entre nous. Et on peut le trouver partout. Quand je lis Emerson, je l'entends dans la voix d'Emerson. Il trouve le monde dans une pierre. Alors bien sûr, tout le monde voit la vie, le monde dans un arbre, mais Emerson le voit dans un sourire, dans un animal, dans une pierre, dans une goutte d'eau. Et il en est conscient. Et il pense que le monde est conscient de lui également. Est-ce que je réponds à votre question? Est-ce que j'ai bien compris votre question? Non seulement vous répondez à ma question, mais vous devancez, si je puis dire, une autre question. Parce que cette preuve du monde, elle équivaut aussi à l'idée de prendre sa place dans le monde. Et il semblerait que là, prendre sa place dans le monde, ce n'est pas aussi simple que de s'émerveiller ou de s'étonner devant le monde, puisqu'il faut aussi faire sa part à la perte, au deuil, au processus de deuil. Yes, and it's for that reason that both Emerson and Thoreau oui, et c'est précisément pour cela que et Emerson et Thoreau, qui sont importants pour moi, parlent d'une deuxième naissance. On naît, on apprend à parler, on apprend l'amour, on apprend la déception, on apprend toutes sortes de choses, toutes les choses que l'on peut nommer. Et ensuite, on se rend compte qu'il faut écraser tout ça, parce que le monde vous l'enseigne, parce que le monde vous enseigne qu'il faut laisser tout cela de côté, qu'il faut... Et c'est là que vous vous rendez compte qu'il existe un monde naturel et un monde social, un monde biologique et un monde politique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette compréhension? Comment est-ce que l'on gère une conversation, un dialogue entre ces deux éléments pour le reste de la vie? La philosophie trouve ce qui vous émerveille et vous êtes ensuite capable d'y répondre. C'est très difficile et la plupart des gens oublient. Évidemment, la philosophie, c'est une plaisanterie pour la plupart des gens. Bon, pas à Paris, mais à New York et dans l'Oklahoma et ailleurs. Mais en fait, on ne sait jamais. Quelque part, quelqu'un va s'émerveiller, les yeux vont commencer à pétiller, et quelqu'un va se dire « Ah ben c'est ça la philosophie, je vais y consacrer ma vie ». Mais c'est à vous de découvrir ce que cela peut être pour vous. C'est Emerson. De là où je viens, tout le monde sait qui est Emerson. Et presque personne ne sait qui est Emerson à la fois. C'est comme des chaussures que vous avez depuis des années. Vous les portez sans même vous rendre compte qu'elles sont encore là. Mais un jour, un beau jour, quelque chose vous apparaît. Et moi, j'espère être là ce jour. Et quand j'écris, parfois, j'ai beaucoup écrit. Mais le sentiment le plus répandu pour moi est qu'un jour, quelqu'un va comprendre tout cela. Peut-être pas demain, mais on a ici Sandra Logier. Elle vit à des milliers de kilomètres de moi et elle me comprend, je vois qu'elle me comprend, elle écrit, c'est suffisant. Stanley Cavell, de là d'où vous venez, d'Amérique, comme Emerson, vous êtes à la fois pour et contre l'Amérique. Mais, Monsieur Cavell, je redis votre nom. Vous avez changé de nom. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce qui est, bien entendu, bien plus qu'une facétie. Pourquoi avez-vous désiré changer de nom à 16 ans, si je ne m'abuse? You're correct. Oui, vous avez raison. J'avais 16 ans. These are rather fundamental questions, after all. You ask me. Ce sont des questions tout à fait fondamentales que vous me posez là. Vous me demandez de mettre ma vie sur la place publique. Ce sont de très bonnes questions. Mais elles demandent le temps de la réflexion. Il faut trouver la réponse adéquate. Alors très rapidement. Being for and against America. Sur le fait d'être étranger, pour ou contre les États-Unis. Pour ce que j'en sais, chaque intellectuel sérieux aux États-Unis est à la fois pour et contre l'Amérique. Chaque intellectuel qui se respecte aux États-Unis, chaque artiste, est déchiré. D'un côté, il y a la promesse de l'Amérique, un nouveau monde, et la déception de voir que ce n'est pas un nouveau monde, c'est le vieux monde. And you have to go all over it. Sometimes I say that what America does is to force you to discover it. Et il faut ce que l'Amérique fait, à mon sens, c'est de vous forcer à la découvrir. J'ai dû le dire quelque part dans mon ouvrage sur Thoreau. Only in discovering it. Le monde n'existe que quand on le découvre, que quand on découvre qu'une partie du malheur qui se produit, des erreurs, des jugements erronés. This isn't how it's supposed to be. On sait très bien que ce n'est pas comme cela que les choses devraient être. On sait que c'est faux. Donc on essaye autre chose. Donc on a cette hystérie de l'anxiété et on essaye d'améliorer les choses. Personne ne peut penser que l'Amérique des 4 ou 5 dernières années, c'est la promesse de George Washington, de Jefferson. Mais ce genre de choses arrive. This has some relation to the change of name. Tout cela est lié au fait que j'ai changé de nom, ce que vous venez d'évoquer. I tell you how it came about. Je vais vous en expliquer la genèse, le pourquoi. First of all, I was born knowing that the name my family had was not the name they were born with. Je suis né en sachant que le nom que portait ma famille n'était pas le nom de ma famille à l'origine. C'est un nom qui leur a été donné par les responsables de l'immigration. Parce que quand ils sont arrivés, les officiers en charge de l'immigration n'arrivaient pas à retranscrire leur nom dans l'alphabet. Donc on leur a donné un nom qui avait une consonance hébraïque, un nom qui sonnait juif. So that's the background. I grew up knowing Donc, this. Then, voilà le contexte. J'ai grandi 15, en étant tout à fait conscient de cela. Et puis, quand j'ai eu 15 ans, j'ai fini le lycée assez tôt. Avec un groupe, j'ai fait le tour des États-Unis. Je jouais. C'est tout l'été qui a suivi la fin du lycée. Je me suis rendu dans différentes stations balnéaires avec ce groupe. And I was living the life of we were rather celebrities. Et nous étions à l'époque assez connus, nous étions des célébrités, les gens venaient nous voir. Et je me suis dit, I was writing some arrangements for this band. Et je faisais également les arrangements pour ce groupe. Et on m'a demandé de refaire un arrangement, d'écrire une nouvelle chanson. It was awful. Et je l'ai fait, c'était terrible. I took some chances in it. Mais j'ai pris des risques. That were quite original. J'ai fait quelque chose d'assez original. Et j'étais tout à fait enthousiaste. Personne ne comprenait pas pourquoi je faisais passer le saxophone avant les trompettes. Et donc j'ai signé. Stanley Cavell. Et j'ai signé Stanley Cavell. Un pseudonyme pour cet arrangement. Pourquoi Stanley Cavell? Kavelerusky. I took the first two syllables of the Russian name. J'ai pris les deux premières syllabes du nom russe et je l'ai écrit. Kavelerusky. Je me suis dit, ça, ça me va. And I loved this anonymity. Et j'ai apprécié cet anonymat. Je me suis dit que je me sentais libre. J'étais anonyme et libre et je pouvais découvrir le monde, faire tout ce qui me passait par la tête. Et c'est un petit peu de manière fortuite que cela s'est fait. J'ai découvert la voie de la liberté par le biais de ce changement de nom. Alors en même temps, Stanley Cavell, cette évocation de votre désir de vous donner un nom de scène est précédé par une énigmatique présence à Jérusalem. Vous parlez de votre non-présence à Jérusalem et vous mettez cela en rapport avec l'événement émersonien. Quel lien, justement, établissez-vous entre cette non-présence mais qui est aussi une présence, puisque vous nous rappelez dans le livre que vous avez été voir le film de Claude Lanzmann, Shoah à Jérusalem. Donc vous superposez un moment autobiographique authentique avec un moment d'absence et d'interrogation sur ce lieu, Jérusalem, qui est en même temps un non-lieu pour vous. Yes, you're right to bring up exactly the fact that the place that allowed me to begin de dire que l'endroit explicitly qui m'a permis de commencer de manière tout à fait explicite à réfléchir à ma vie, tout cela s'est produit à Jérusalem. Et encore une fois, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que d'être à Jérusalem? Pour mon père était la seule personne de toute la famille qui n'ait jamais été à Jérusalem. Chaque autre membre de la famille a fait le pèlerinage à Jérusalem, mais pas mon père. Pour moi, le fait d'y aller était de passer devant mon père, d'arriver à Jérusalem et de voir ce qui s'y trouvait. Et je me suis rendu compte, comme vous l'avez dit, que ce n'était à la fois pas mon endroit et mon endroit en même temps, simultanément. Donc pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là au fond? J'ai été voir le film Shoah. Of course. Like any other reasonable human being, bien sûr, comme tout être humain raisonnable, on ne comprend pas ce qui se passe quand on voit de telles choses. Il faut les imaginer. D'incroyablement difficile, autant d'heures pour ne rien montrer finalement, pour vous forcer à imaginer ce qui se passe. Philosophy is no longer et just philosophy. À ce stade, la philosophie est plus at que juste de la philosophie. Not just how can I prove the world exists. Vous ne vous posez plus simplement la question de dire comment puis-je prouver que le monde est, comment puis-je prouver que j'existe. How is it that I am alive? Comment se fait-il que je sois en vie? If I had been just in another place, si slightly, j'étais with people I know, and with people I know who know people, ailleurs, I en même temps que for no reason. Des gens que je connais, je ne serais pas then là, je n'aurais pas été né. A permanent issue, et tout cela devient une question récurrente, permanente, de l'accident, de l'incident fortuit, de ne pas être là et de continuer à être là. Et donc, on se pose la question, que puis-je faire pour que le monde continue plutôt que de détruire? Merci, Stanley Cavell. C'était À Voix Nue, une série d'entretiens avec Stanley Cavell, proposée par Philippe Petit. Réalisation, Laetitia Coya. Vous venez d'entendre le premier entretien accordé par Stanley Cavell à Philippe Petit pour À Voix Nue. Tout de suite, le deuxième moment de cette rencontre. À Voix Nue, deuxième moment d'une série d'entretiens proposée par Philippe Petit avec Stanley Cavell. Nous allons essayer aujourd'hui de pénétrer dans la maison des bois de l'auteur de Walden. Nous allons tenter de nous familiariser avec le timbre particulier que revêt, à vos yeux, la philosophie d'Emerson Stanley Cavell. L'Amérique est en effet le territoire de la fiction. À l'origine du choc poétique qu'elle provoque, il y a l'éblouissement des déserts et de la Californie, mais il y a aussi l'étonnement de la philosophie. Stanley Cavell, vous êtes celui qui a traqué la philosophie dans des régions inhabituelles de la culture humaine, et en même temps, vous avez fait bien plus que exhumer l'œuvre de Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, et de Henry David Thoreau, ou Thoreau en anglais, qui est l'auteur de Walden ou La vie dans les bois. Est-ce que c'est justement au travers de ces deux auteurs que vous pensez que l'intellectuel américain, le philosophe américain que vous êtes, a trouver ses principales sources de ce que Emerson appelait le consentement et la désobéissance civile. If I have to think about myself, you ask me to think about myself from the outside. Vous me demandez de m'observer de l'extérieur, de voir quel rôle je joue. Et ce n'est pas comme ça qu'en général on considère sa vie. On ne se dit pas qu'on joue un rôle dans les événements. On fait ce en quoi l'on croit. Et il se trouve que ce que l'on fait a une incidence, une répercussion. Alors, quel lien avec mon travail sur Emerson et Thoreau? I'm still thinking about it. Je continue à y réfléchir. I'm in the middle of thinking about this question. Why am I so insistent about this? Je suis en train de réfléchir à cette question et I think it's c'est true très important that, pour moi. Of course, as I said, they are not strangers to Bien American sûr, culture. Je l'ai dit, ils ne sont pas What's étrangers à la culture américaine. Ce qui est étrange les concernant, is that they should be taken seriously as philosophers, c'est qu'il faudrait qu'on les prenne au sérieux en tant que philosophes. That Kant and Descartes and comme on Locke prend Kant et Hume et Descartes et Nietzsche au sérieux. Are philosophers. Ce sont des philosophes. But that doesn't particularly distress me, that people Mais bon, don't think cela ne me perturbe pas particulièrement que les gens ne les envisagent pas sous ce jour. I'm used to the fact that many of my colleagues parce que j'ai l'habitude, don't believe in Wittgenstein beaucoup de mes collègues ne croient pas en Wittgenstein, ne croient pas que Wittgenstein soit un philosophe, ou ils le traitent d'une manière qui, me semble-t-il, n'envisage pas la profondeur de sa réflexion. Il le voit à tout le mieux comme quelqu'un ayant produit un certain nombre de thèses intéressantes philosophiques sur la vie ordinaire, sur le langage. Mais pour moi, c'est vraiment l'image et le timbre de ce que peut être la philosophie. C'est quelque chose à quoi on a envie de participer, cette tradition, ce courant de pensée. Parce que depuis qu'il y a une culture occidentale, depuis 2500 ans, on choisit l'endroit où on veut s'y placer. But in order for Emerson and Thoreau to have spoken in the way that they seem to me, Emerson et Thoreau me parlent comme ils me parlent. Looking for philosophy in a particular sort of way. Il fallait déjà que j'envisage la philosophie d'une certaine manière quand je les ai lus pour la première fois. Okay, well, quand j'étais encore étudiant, Thoreau ne voulait pas dire grand-chose pour moi. And Emerson, I thought, et it's en lisant sort of but Emerson, know, what is it? It's sort je me pretty, suis dit, it's, flowery, c'est bien, mais c'est, sort of c'est fleuri, c'est mystique, most imagé. C'est ce qu'on pense, c'est ce que la plupart des gens pensent. Was Thoreau that came to me. Et le premier que j'ai rencontré a été Thoreau. In fact, it started in an international context. Dans un cadre international. Some summer students who were coming to Harvard from all over the world. Des étudiants venant de partout dans le monde sont venus passer l'été à Harvard. By the Harvard professor Henry Kissinger. Invité par Henry Kissinger, professeur Harvard. Who invited 50 not just students but slightly older people who are very involved in the culture. 50 personnes, pas forcément tous des étudiants mais très actifs culturellement, représentant le monde de la politique, le monde universitaire, la radio, des écrivains, des peintres. Qui voulaient comprendre quelque chose de l'Amérique, donc ils sont venus passer 6 ou 7 semaines un été aux États-Unis. Et moi, j'ai choisi des livres que j'avais envie de lire. Hemingway, Mark Alors, Twain, bien sûr, on a eu Mark Twain, these, Hemingway, Melville, these obvious things. Les choses But évidentes, we read Melville. Walden. And when I read Walden, there Et we on a pris Walden de Thoreau. In Cambridge, where I had moved to Harvard recently. Et je venais d'arriver de Cambridge, j'habitais à Ward, c'est 16 miles, c'était très, très près de l'endroit où Thoreau a écrit Walden, a placé Walden. And I thought, my God, this is absolutely profound philosophy. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment de la philosophie très profonde. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi s'en rendait compte? Rather a nuisance about this. Je suis devenu assez embêtant avec ce livre parce que j'ai donné ce livre à tous mes amis et je leur ai dit, vous savez, c'est un livre fantastique. And they said, et ils m'ont dit, oui, c'est sûr, c'est un très bon livre. On l'a beaucoup aimé. Et j'ai dit, non. Il ne s'agit pas de l'apprécier. Il faut être pris, interpellé, réduit au silence par ce livre. Et mes amis ont commencé à se demander si ma santé mentale se portait bien. Pourquoi est-ce que ce livre m'intéressait autant? Le reste, c'est une histoire assez facile à raconter. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est le rôle de la philosophie dans la vie intellectuelle américaine. Et je trouvais enfin un texte and it is deeply très familier, très connu, qui était en même temps profondément philosophique, mais son caractère philosophique est enfoui. Kind of book about nature, whatever you et think on le about voit it. Comme un livre qui traite de la nature, quoi qu'on en pense. Et ce fait n'a cessé d'avoir un effet sur moi. Et c'est la manière dont je vois la vie. La réception, la façon dont la philosophie est reçue aux États-Unis. C'est quelque chose d'assez tardif. Quand les États-Unis ont été découverts, on n'a pas commencé à réfléchir à la philosophie le lendemain. Au XVIIe siècle, il a fallu un certain temps pour que des universités soient construites. Et au début, la plupart des universités traitaient de théologie. Et pour que l'on ait un corpus sur la philosophie, à la fois séculaire et religieuse, il a fallu un certain nombre d'événements, et ça, c'est la réussite, le résultat du travail d'Emerson. Mais il n'a pas réussi à convaincre d'autres personnes de ce qu'il avait fait, et peut-être que lui-même n'était pas convaincu de son accomplissement. Mais la façon dont la philosophie est perçue et reçue aux États-Unis est différente de la manière dont on perçoit la littérature, la grande littérature. Alors nous n'avons peut-être pas créé une philosophie fantastique pour le monde au XIXe siècle, mais nous avons produit des ouvrages littéraires pour le monde au XIXe siècle. 150 ans après être arrivé dans le Nouveau Monde, qui était en fait un vieux monde. But Melville, Hawthorne, Emily Dickinson, these are figures for the world. So how could they be sont connus mondialement for the world in the absence et comment pouvaient-ils être connus mondialement en l'absence de philosophie? But to this day, à ce jour, et on le voit dans la critique littéraire, on le voit dans les journaux, Les intellectuels américains sont des gens très intéressants, très intelligents, très malins, très talentueux, mais la philosophie est pour ainsi dire un sujet tabou. Je ne peux pas vous donner un seul exemple d'un grand auteur de romans, d'un grand intellectuel américain qui revendique haut et fort d'avoir étudié la philosophie, qui se sent responsable philosophiquement. Et quand j'ai commencé à publier, la plupart des gens m'ont dit ces essais sont trop longs. De quoi parlez-vous de la littérature de Shakespeare, de Samuel Beckett? Moi, j'avais l'impression de traiter de philosophie, de faire de la philosophie. It's three decades, four decades et 30 ans, 40 ans plus tard, les choses n'ont pas vraiment changé. La philosophie continue à être exotique, ésotérique, un peu moins. Certains jeunes gens se disent, bon, examinons sur pièce, philosophie, littérature, on verra. Je m'arrête là. Vous êtes le digne continuateur de Emerson et Thoreau et de Wittgenstein, et vous cherchez à établir des ponts entre l'accord moral que chacun se doit de trouver dans le monde et la revendication politique qui peut prendre l'aspect d'une désobéissance civile, d'un non-conformisme qui trouve sa racine chez Emerson. Et vous avez d'ailleurs ce mot qui est très parlant, cette fois-ci à propos de Thoreau. Vous dites « Nous avons encore à get our living together ». Mais alors cet apprentissage, disons, de la vie en communauté suppose la capacité de chacun à être expressif, à pouvoir trouver sa voie, trouver ses moyens d'expression, ce que en anglais on traduit par l'expression de self-reliance, je prononce également très mal. Qu'est-ce que ça signifie exactement self-reliance? I will answer this the question about self-reliance. I want to be rather specific about that. Self-reliance, l'autonomie, la prise en charge de son être, c'est une question à laquelle je veux répondre de manière un petit peu précise. Et également sur cette idée de jeter des ponts et le rôle qui est le mien et que j'accepte. I appreciate your saying. I hope it's true in some sort of way that I'm in the line of both. J'aime vous entendre dire, et j'espère que c'est vrai, dire que je suis dans la continuité directe de Thoreau, de Emerson et de Wittgenstein. J'espère que c'est vrai. It means that in my difference mais is that for all the il y a une signification également dans ce qui fait ma différence. Je sais qu'il faut jeter beaucoup de ponts, je suis constamment conscient de ce fait. Je ne sais pas toujours pour qui j'écris, mais nous sommes tous des êtres humains. Et je me dis, si je ressens ces choses, eh bien, ils doivent ressentir les mêmes choses. S'ils lisent Shakespeare, s'ils lisent Thoreau, ils doivent également se poser la question des relations entre tout cela, comme moi. Donc j'en suis très conscient. Mais je ressens aussi très fort que la communauté littéraire aux États-Unis aurait dû se forcer à étudier la philosophie, la philosophie universitaire, ennuyeuse même. Et que c'est quelque chose qui doit commencer tôt. Et c'est vrai, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais quand on arrive assez loin dans les études universitaires, il est presque trop tard. Parce que pour la philosophie, il faut être idiot, il faut se rendre compte qu'on ne sait rien. que ce n'est pas simplement quelque chose que l'on prétend quand un philosophe dit qu'il ne sait rien. Il veut que vous vous rendiez compte que vraiment on ne sait rien. Mais c'est très effrayant. Si vous êtes un jeune adulte, une jeune femme, un jeune homme, vous voulez avoir l'impression de comprendre et de connaître. Donc, d'arriver à l'université et de s'entendre dire qu'on ne connaît rien, c'est quelque chose qui ne colle pas. Il faut se forcer à le faire. Et moi, si j'avais l'énergie et que je recommençais maintenant et que je savais ce que je sais maintenant, je mettrais la philosophie au programme des lycées, même si on ne sait pas pourquoi on le fait. Au moins, il y a une exposition à la philosophie. Ok, donc je dis quelque chose. Je vais utiliser ce concept de l'autonomie et self-reliance, confiance en soi. Confiance en soi. Oui. Oui. Se prendre en charge. Yes, confidence in oneself, reliance on oneself, reliance. Compter sur soi, croire en soi, c'est un petit peu plus que simple confiance. I rely on the chair to hold me. Je fais confiance à cette chaise pour me tenir, mais je n'ai pas confiance en la chaise. When Emerson introduces this term, quand Emerson introduit cette notion de la confiance ou de l'autonomie, an ordinary picture of Emerson, the individual, on a cette image man, not woman, d'Emerson ou d'un homme, en général un homme, une personne indépendante qui n'a besoin de rien ni de personne. I've forgotten what the colloquialism of the self-reliant, independent, j'ai oublié tous les mots qu'il emploie, okay. Donc excentrique, indépendant. Je n'arrête pas de dire, lisez le texte, regardez ce qu'il en dit exactement. Vous dites que c'est un écrivain fantastique, eh bien lisez-le. S'il est fantastique, il doit y avoir une signification. What Emerson says is, et ce que Emerson dit, c'est que cette confiance est l'évitement, l'aversion de du conformisme. Okay. Aversion. It's true. If all he said was, aversion, bon, throw society away, s'il disait simplement, laissez la société de côté, vous n'avez besoin de rien ni de personne. But this is an agony for him. Mais pour lui, c'est quelque chose de très douloureux. C'est une véritable tâche. C'est la philosophie. C'est un objectif. Un but, le but d'une vie. S'il s'agissait simplement d'être indépendant, on pourrait chacun partir de notre côté, choisir nos amours, nos lectures, etc. Mais une aversion. La confiance en soi, c'est l'aversion du conformisme. Cela signifie que dans tous les cas, à chaque moment, il y a cette quête, cette recherche de l'autonomie, de cette indépendance, c'est-à-dire qu'il faut tourner le dos au conformisme à l'intérieur de soi-même. On ne se préoccupe plus des autres, les autres ne comptent plus. Je sais que chaque rêve que je possède, chaque habitude, chaque mot que j'emploie, chaque livre sont connus des autres. Je ne les ai pas investis, je les ai utilisés. La vie, je traverse la vie non affectée, non touchée. Donc, l'idée de cette aversion fait que l'on tourne constamment le dos. Si on tourne le dos au conformisme, on se tourne vers soi. Mais tournez-vous vers vous, cela vous force à vous découvrir et à découvrir votre place dans le monde. C'est un processus difficile à commencer, difficile à reconnaître, qui n'est jamais terminé. Mais chaque philosophe ayant jamais écrit a toujours quelque chose à dire sur le commencement de la philosophie. Dans Platon, ça commence dans une caverne obscure. Enchaîné, quelqu'un arrive et vous fait peur. Chez Descartes, when you're by yourself. Cela arrive quand on est seul. You have a fire. And you sort of dream in front of this fire. On s'assoit devant un feu, on rêve devant le feu. Chez Hume, on dit, il est en bonne compagnie, en train de prendre un verre dans un bar, et il se rend compte qu'il doit se mettre à philosopher et s'isole. In Emerson, it happens Chez Emerson, cela se produit partout et nulle part, peu importe le lieu, une caverne, dans la rue, mais cela ne se produit que quand on se rend compte qu'on a accepté tout ce qui devrait nous dégoûter, tout ce à quoi on devrait tourner le dos ou ce à quoi on devrait réfléchir. Chaque fois qu'on est capable de se tourner, de s'arrêter, c'est le début, c'est le commencement de la philosophie. Alors, Stanley Cavell, là, ce que vous venez de dire est très important parce que finalement, les présupposés de la philosophie, les commencements de la philosophie, c'est ce qui équivaut aussi en français à l'idée d'une décision philosophique, hein, d'une décision philosophique. Qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui produit une décision philosophique chez Platon, chez Spinoza, chez Descartes, etc. Vous venez de nous dire que chez Emerson, cette décision est partout et nulle part. Et vous avez cité cette phrase que vous commentez d'ailleurs dans le livre qui est paru en français sous le titre « Une nouvelle Amérique encore inapprochable » de Wittgenstein à Emerson, qui était paru aux éditions de l'Éclat. Donc la phrase est la suivante. La confiance en soi, vous venez de le dire, est l'aversion de la conformité. Hein, l'aversion de la conformité. Et le commentaire que vous donnez de cette aversion de la conformité est le suivant, page 92 du livre que je viens de citer. Vous poursuivez en disant « L'idée répétée inlassablement que le seul intérêt d'Emerson était de trouver l'individu devrait céder le pas ou la place à l'idée que cette quête était sa façon de fonder une nation, d'écrire sa constitution, de constituer ses citoyens. » Alors, l'Amérique et son individualisme radical, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça sous-entend ce commentaire que vous faites, que chaque sujet, chaque individu doit constituer sa propre constitution au sein de l'État? Perhaps the first thing to say is to repeat again or to start again. La première from des choses serait peut-être de repartir de cette idée. When he says an aversion, quand il dit il faut tourner le dos au conformisme. Already in me. Le conformisme, je le porte en moi. Il ne s'agit pas simplement de s'isoler des autres. Je peux m'éloigner des autres comme tout le monde le fait. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens ne supportent pas la compagnie et ils s'isolent. Et tout ce que vous faites, c'est d'être quelqu'un d'assez désagréable en compagnie. The search for this reliance. Donc cette recherche de la confiance en soi et de son autonomie, c'est toujours la recherche d'une communauté. En même temps, quand on tourne le dos à une société, on se tourne vers soi et on devient visiblement, qu'on le sache ou pas, un exemple. Parce que nous enseignons des choses les uns aux autres constamment. C'est cela qu'Emerson dit quand il dit la philosophie est partout et nulle part. What Wittgenstein taught me to be able to use, to be useful, ce que Wittgenstein m'a enseigné d'utile, c'est que, et c'est vrai de chaque mot que je prononce, j'en connais la signification et je n'en connais pas la signification. Chaque chose doit être découverte et là pour être découverte. Alors de dire que l'Amérique est inapprochable, qu'une nouvelle Amérique reste inapprochable. It's not there. Cela veut dire tout d'abord que no place you already know it is. Cela n'est pas là, il n'y a aucun endroit. It's no place at all. Ce n'est pas un endroit en soi. You can't approach it. One of the reasons on ne peut pas s'en approcher et l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas s'en approcher, c'est qu'on y est déjà. On y est d'ores et déjà. Pour s'en approcher, il faudrait être extérieur, mais je suis là, c'est moi. And can I approach myself? Et puis-je m'approcher de moi? If I don't approach myself, there is no America. Si je ne m'approche pas de moi, il n'y a pas d'Amérique. And how we get our living together. Et comment arrive-t-on à vivre ensemble? Ça, c'est la citation de Thoreau. You always need to turn a Thoreau sentence, as with an Emerson sentence. Il faut toujours retourner une phrase de Thoreau ou d'Emerson. Il faut toujours la retourner, toujours. So to get our living together. Donc, pour pouvoir vivre ensemble. Means simultaneously. Veut dire en même temps. To get our living, as you absolutely say. With one another. Comme vous we le dites, know how to join vivre ensemble, we il faut que l'on sache all, comment vivre ensemble. Le premier chapitre of Walden de Walden parle, traite the, de l'économie. C'est le titre de ce chapitre. Je peux m'occuper de l'économie de mon foyer, il veut que je la comprenne, time, mais en même temps, il faut une économie générale. Il faut d'une certaine manière être ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que qui est ensemble? Qu'est-ce que c'est que ce être ensemble? You ask me to join a community, but there aren't any people. Et vous me dites, il faut rejoindre une communauté, mais où sont les membres de cette communauté? Où sont les gens? Et il se réveille et il se dit, je ne vois personne. Je vois des monstres. I see people hanging from trees. Je vois des gens suspendus aux arbres. Je vois des gens marcher sur la tête. Unable to walk, je vois unable des gens à quatre pattes qui you n'arrivent pas à parler, pas respirer, et vous voulez que je vive avec they eux. To know what I know il also. Faut qu'ils sachent ce que je sais. So, an image of the search for a community. Donc une image de cette recherche de la communauté, comme étant avant tout une recherche others, de communion. Avec Anytime moi I'm et avec others, les autres, chaque fois que je suis avec les autres, it's America happening, discovering, c'est to be created. L'Amérique qui se produit, c'est And we have this la chance. Découverte, la création, et c'est old une Europe. Chance qui nous est donnée, la vieille Europe. Vous voulez que je dise quelque chose de la vieille Europe? Ah oui, volontiers, oui. What he's saying is, discover Europe. Ce qu'il en dit, c'est aller découvrir l'Europe. What does it mean? Qu'est-ce que cela signifie? We have a chance. On these bleak rocks, he says. Sur ces rochers déprimants, grisonnants, there's no building, there's no où books. Il n'y a rien, pas de livres, pas no de bâti, no pas de théâtre. Unless there is, unless somehow il n'y a rien, there mais is what we do now. Peut-être. But he knows that this is a challenge. It's almost impossible. Y a-t-il quelque chose? Il sait très bien que c'est un défi, que c'est quasi impossible. Il a lu tous ces livres. C'était un homme très bien éduqué. Comment allons-nous produire ce genre de choses? Plutôt que de simplement emprunter des disputes étrangères, des livres étrangers, des débats étrangers. Parce que cela signifierait que nous ne nous découvrions jamais et que nous ne découvrions jamais une nouvelle possibilité. Merci pour ces précisions, Stanley Cavell. C'était À Voix Nue, une série d'entretiens avec Stanley Cavell proposée par Philippe Petit. Réalisation Laetitia Coya. Ces deux émissions ont été diffusées pour la première fois les 21 et 22 janvier 2008. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique Les Nuits de France Culture.